bref, je suis de mèche avec le dealer. Passe à mon négro, tu peux m'appeler chief leader. World poker, serial killer. Passe là mon négro, passe-moi la monnaie, les euros. Passe là mon négro, passe-moi la monnaie, les euros. Passe là mon négro, passe-moi la monnaie, les euros. Passe là mon négro, passe-moi la monnaie, les euros. Bienvenue dans le real game. Blend et grosse blend, les MC veulent du fame, mais moi je baisse des grosses dindes. Attention, ça va vite, c'est tragique, c'est cruel. Moi, j'ai le sourire, je viens de saigner Patrick Bruel. C'est Don Joe, aka Mr. Chief Leader. Et tu voudrais t'y frotter, mais t'as un trop petit kicker. À ma table, les players meurent dans la douleur, en balançant bêtement leur tapis sur un vieux tirage couleur. Rien à foutre de pourcentage, t'es putain statistique. Serrure, j't'attends et j'te nique quand t'es en tilt. Ouais, j'te baise et quand j'te laisse, t'es en kilt. J'te laisse en morceaux, MC Ikea, t'es en kit. Oh les cons, ils marronnent, ils ont la haine. Au bouton, j'envoie une centaine dans la plaine. C'est pas des balles, arrête de t'affoler. Paye et le groupier passe les jetons de mon côté. Ok, tu peux m'appeler chief leader, le niqueur de pénètre. J'suis de mèche avec le dealer, passe là mon négro. Tu peux m'appeler chief leader, world poker, serial killer. Passe là mon négro, passe-moi la monnaie, les euros. Passe là mon négro, passe-moi la monnaie, les euros. Passe là mon négro, passe-moi la monnaie, les euros. Passe là mon négro, passe-moi la monnaie, les euros. T'es toxico, t'es drogué, ce putain de jeu t'a rendu fou. T'as plus de quoi payer ton loyer, mais moi j'm'en fous. J'prends tes sous, j'prends ton cash, tes bijoux, ta bagnole, ta baraque. Mec, en quelques coups de carte, tu me dois le prix d'un appart. Ici c'est sérieux, ici c'est high stakes. Si tu veux t'amuser, c'est PES ou MySpace. Paye en espèces, dépêche, toi sors la maille, sors ta maille. Qu'est-ce que tu brailles, t'es pas de taille, you gonna die. Trop endetté, t'es wanted, mets les voiles. Le seul truc qui peut te sauver, c'est 5 numéros et 2 étoiles. Ferme ta gueule. Va pleurer chez ta consoleuse, je viens de chanter une petite berceuse avec madame tronçonneuse. Excusez-moi, j'ai pas bien vu, il faisait noir. Mais je crois que j'ai égorgé monsieur Sarkozy dans ma baignoire. Je suis dur comme un bad beat à la river, appelle-moi World Poker Serial Killer. Ok, tu peux m'appeler chief leader, le niqueur de pénètre. J'suis de mèche avec le dealer, passe là mon négro. Tu peux m'appeler chief leader, World Poker Serial Killer. Passe là mon négro, passe-moi la monnaie, les euros. Passe là mon négro, passe-moi la monnaie, les euros. Passe là mon négro, passe-moi la monnaie, les euros. Passe là mon négro, passe-moi la monnaie, les euros. Ok, tu peux m'appeler chief leader, le niqueur de pénètre. J'suis de mèche avec le dealer, passe là mon négro. Tu peux m'appeler chief leader, world poker, serial killer. Passe là mon négro, passe-moi la monnaie, les euros. Passe là mon négro, passe-moi la monnaie.